Alors le thème d'aujourd'hui, le diable et les démons, sont-ils un mythe ou une réalité? Comment faire face à la réalité des oppressions spirituelles aujourd'hui? Alors j'aimerais démarrer avec deux petits témoignages. Le premier, c'était au début de la semaine, je roulais, j'allais vers la Grande Combe, et puis il y avait un autostoppeur, alors je me suis arrêté et je l'ai pris, un monsieur d'une cinquantaine d'années à peu près. Et alors, il était à l'arrière, et puis on était pris dans les bouchons parce qu'il y avait les travaux. Et alors, le monsieur derrière, il n'était pas content. Je vous passerai le langage qu'il a utilisé, mais toutes les virgules, il y avait du folklore. Et je disais, Seigneur, donne-moi quelque chose. Comment est-ce que je peux témoigner à cet homme qui est là? Je le prends dans ma voiture. Seigneur, bénis-le. Qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi quelque chose. Et alors qu'on roulait, je crois que le Saint-Esprit m'a donné une parole de connaissance. Et donc, je lui pose la question. Je dis, voilà, je vais vous poser une question qui pourra vous sembler étrange, mais. Est-ce que vous avez mal au genou? Est-ce que vous avez des problèmes au genou? Elle me regarde, elle me dit, ben oui, très souvent j'ai mal au genou. Dès que je m'assois, après quand je me relève, j'ai toujours mal, je boite, j'ai des gros problèmes au genou. Elle me dit, comment vous savez? Je dis, ben parce que je prie pour les gens et les personnes sont guéries au nom de Jésus. Elle me dit, ah, vous êtes le bon Dieu. Je dis, non, mais je le connais. Et je lui dis, écoutez, quand je vous dépose, si vous voulez, si vous êtes d'accord, j'aimerais prier pour vous. Elle me dit, ben oui. Donc on s'arrête, on arrive à la Grande Combe, et effectivement il sort de la voiture avec difficulté, et il boitait, il avait mal au genou, donc j'ai presque dû l'aider, on s'est assis sur une chaise, j'ai dit, ben écoutez, maintenant je prie pour vous. Donc j'ai posé mes mains sur ses genoux, j'ai commandé à la douleur de partir, et instantanément, toute douleur est partie. Alors il me regarde, je dis, allez-y, mettez-vous debout. Il me regardait comme si j'étais suspect. Il se lève, et il se met à marcher, et il n'a plus de douleur. Je dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Et donc je lui parle de Jésus. Et je lui annonce la bonne nouvelle, qu'il y a un Dieu qui est venu, qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ pour venir nous guérir, nous délivrer et nous sauver. Je lui ai demandé s'il avait une Bible, il m'a dit oui, je dois avoir ça à la maison. Je lui ai dit, alors, il faut la lire. Deuxième témoignage, c'était il y a plusieurs années en arrière. J'étais à Haïti, pareil, pour servir le Seigneur. Et on m'avait demandé de prêcher dans une église. Et une dame était venue, elle n'était pas chrétienne, elle était venue ce dimanche matin-là. Et à la fin de la réunion, elle va voir le pasteur et le pasteur m'amène cette dame. Et cette dame m'explique que presque tous les soirs, un esprit lui apparaît dans son lit pour l'agresser sexuellement. Et elle est venue dans cette église pour chercher de l'aide. Et donc je lui ai expliqué ce que la Bible dit à propos des démons, à propos de ces réalités spirituelles. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais à quel moment est-ce que ces choses ont commencé? Et elle m'a essayé de m'expliquer, je lui ai dit, vous êtes allé voir le prêtre vaudou à ce moment-là? Elle dit, oui, je suis allé pour un service, j'avais besoin d'aide pour quelque chose. Et donc j'ai payé le prêtre vaudou, il a fait un rituel avec un sacrifice. Je lui dis, c'est depuis ce moment-là que vous avez ce problème. Elle dit oui. Je l'ai conduit à renoncer au vaudou et à la repentance. Après quoi, j'ai prié. Dès que j'ai mis mes mains et que j'ai commencé à prendre autorité, ses yeux sont devenus blancs. Elle a commencé à crier. Et très rapidement, le Saint-Esprit l'a délivrée. Quand elle est revenue à elle, elle me dit, j'avais entendu dire qu'on pouvait avoir un esprit à l'intérieur et j'avais entendu dire que les chrétiens pouvaient chasser les esprits, mais je ne croyais pas que c'était vrai. Mais aujourd'hui, et elle était en larmes, je sais que c'est vrai. Elle a donné sa vie à Jésus et elle est revenue le dimanche d'après avec son mari. Tous les deux se sont fait baptiser, sont devenus chrétiens. Elle n'avait plus aucun problème après ça. Alors, ces deux témoignages. D'où vient cette capacité de prier pour les malades, de chasser les démons, de croire en Jésus? Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17, Jésus dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? D'agir au nom d'eux. Ça veut dire agir investi de l'autorité d'eux. De quelle autorité là? En l'occurrence, celle de Jésus-Christ. Dans les évangiles, on lit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18, c'est Jésus qui parle et il dit. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus dit à ses disciples, Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On voit donc que Jésus a reçu toute autorité et qu'à son tour, il va déléguer sa propre autorité à ses disciples, pour qu'eux aussi puissent faire les œuvres que lui fait et chasser les démons. Alors on va faire machine arrière un petit peu. Et on va se poser la question. Ok, Le diable et les démons, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une figure de style, une image dans la Bible pour représenter le mal? Ou est-ce qu'ils sont bien réels et ce sont bien des réalités, des personnes réelles? Et si oui, quel est leur but? Et comment est-ce qu'ils agissent? Alors la Bible nous dit que le diable était un ange de Dieu qui s'est rebellé parce qu'il a voulu s'élever au rang de Dieu et attirer sur lui la gloire qui revient à Dieu seul. La conséquence, Dieu l'a chassé du ciel. Il a été déchu. On le lit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On voit donc que les anges qui se sont rebellés avec Satan ont été chassés sur la terre avec lui. Dans l'Écriture, ces anges sont appelés de trois manières différentes. Soit ils sont appelés esprit méchant, ou esprit impur, ou démon. Satan, celui qui séduit toute la terre, on vient de lire. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque Satan, sous la forme d'un serpent, est venu séduire Ève à désobéir à Dieu. Et on voit que la rébellion de Satan a conduit à la rébellion des hommes. Et suite à cette rébellion, ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire la désobéissance à la loi, à la volonté de Dieu, est aussi entré dans le cœur de l'homme et dans toute la création. C'est pour cela que depuis la chute originelle, tous les hommes sont atteints par le péché et ont besoin d'être pardonnés et d'être délivrés du pouvoir du péché dans leur vie et d'être réconciliés avec Dieu. Mais le diable continue de séduire, d'influencer, d'agir pour détruire l'œuvre de Dieu, pour nuire à l'humanité et empêcher les hommes de croire en Jésus. Dans les évangiles, Jésus dit ceci: le diable ne vient que pour détruire et tuer. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. On voit donc qu'il y a une guerre sur la terre entre deux royaumes, entre deux puissances. D'un côté, le royaume des ténèbres, avec la puissance de Satan et de ses démons. Et de l'autre côté, le royaume de la lumière, que Jésus-Christ a amené sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit ceci, évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Jésus dit: si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La Bible nous dit que Dieu est lumière, alors que étymologiquement, le mot démon en grec, dans l'écriture, c'est le mot daimon. Étymologiquement, ce mot veut dire ombre. Alors je nous pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsque la lumière vient là où il y a une ombre, là où il y a les ténèbres? La lumière chasse les ténèbres. La lumière triomphe des ténèbres. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 46 à 47, Jésus dit: « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Car je suis venu, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. » N'oublions pas que le diable est une créature, alors que Dieu est le créateur. Il n'y a pas de commune mesure entre la puissance du diable et la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus triomphe du mal et des démons, parce qu'il est lui-même le Fils de Dieu. Alors on voit que le diable et les démons agissent par la séduction, par le mensonge, par l'orgueil, la convoitise, pour attirer les hommes dans le filet du péché, de l'addiction, de la désobéissance et de la rébellion sous toutes ses formes, pour détruire et ruiner la vie des hommes dans leur santé, dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, dans leur travail, etc., etc. Jésus, lui, est venu pour guérir, pour délivrer et sauver tous ceux qui souffrent et qui sont perdus. Perdus dans les mensonges du diable, perdus dans l'addiction au plaisir, perdus dans la dépression, perdus dans l'orgueil qui rend aveugle, perdus dans la désobéissance à Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38, l'apôtre Pierre dit ceci. « Vous savez comment Dieu a revêtu de la puissance du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, il est écrit « Car le Fils de l'homme, c'est une expression pour annoncer le Messie, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors peut-être que ce soir, il y en a parmi nous qui se sentent comme perdus dans leur vie. Et j'aimerais nous dire, ce soir, il nous faut venir à Jésus. Lui seul peut véritablement nous sauver, nous guérir, nous délivrer, pardonner tous nos péchés et nous donner la paix. Il y a donc une guerre sur la terre, dont l'enjeu est la vie des hommes. Le diable et les démons d'un côté, qui cherchent à rendre esclaves du mal et à ruiner nos vies, et Jésus-Christ, qui est venu pour détruire le royaume de Satan et libérer les hommes de son emprise et de ses conséquences. L'apôtre Jean a dit « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Alors maintenant, on va regarder plus précisément à Jésus-Christ et à sa première confrontation avec les démons. On le trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 1, au verset 21 à 27. Je vous le lis. « Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans une synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, non pas l'homme, mais le démon, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, non pas l'homme, mais le démon, en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Donc on voit que les démons identifient tout de suite qui est Jésus. Ça a pris un peu plus d'un an aux disciples de véritablement identifier et de savoir qui était Jésus. Les démons le reconnaissent tout de suite. Ils le craignent et lui obéissent. Autre chose, lorsque le démon est chassé de l'homme, on voit qu'il y a une manifestation physique. Il le secoue violemment et l'homme crie. Bien souvent, au moment de la délivrance, au moment où un démon est chassé, il y a une manifestation physique qui peut être plus ou moins légère ou plus ou moins spectaculaire. Un peu plus loin dans le récit, au verset 32, il est écrit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. » Le mot ici, qu'on traduit par démoniaque, on le comprendrait comme étant sous l'influence d'un démon. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors dans ce verset, la traduction anglaise au début, il n'y a pas de mot démoniaque. Dans la traduction anglaise, c'est écrit « possédé par le diable ». Et je crois que c'est une mauvaise traduction qui a induit beaucoup de gens en erreur, et pendant des siècles, avec cette idée d'être possédé. Après, bien sûr, c'est devenu usage courant dans le langage, on parle d'être possédé par le diable. Mais ça n'est pas, je crois, fidèle à l'expression et au mot en grec, parce qu'en plus, cette expression d'être possédé, elle implique la notion d'appartenance. Et surtout pour nous, j'avais le mot anglais qui venait, et surtout pour nous qui sommes chrétiens ou qui avons donné notre vie à Jésus, on appartient à Jésus-Christ. D'accord? Mais alors, est-ce qu'on peut, en appartenant à Jésus-Christ, être sous l'influence d'un démon? Oui, mais être possédé par le diable? Non. Je vais vous prendre une image. Notre vie, notre corps, c'est comme une maison. Et notre corps, il a été racheté par Jésus-Christ. Il lui appartient. Notre vie tout entière. C'est lui le propriétaire de la maison. Mais nous, on en est les gestionnaires. On peut être de bons gestionnaires ou on peut être de mauvais gestionnaires. Et selon ce qu'on va faire, on va peut-être ouvrir la porte quand c'est quelqu'un qui vient qui ne devrait pas entrer. Et selon l'entretien de la maison, il peut-être va y avoir des brèches qui peuvent venir par la cave, qui peuvent venir par les murs. Et un rat peut arriver parce qu'il y a un accès qui s'est ouvert à entrer et à faire sa demeure dans le KGB. Et là, il va commencer à attaquer les vêtements, il va faire caca et ça va sentir mauvais. Et il va endommager la maison dans le domaine du KGB où il a réussi à entrer. Là, il a eu un accès. Maintenant, est-ce que la maison appartient au rat? Non. Mais est-ce que le rat est bien dans la maison? Oui. De la même manière, un esprit, un démon peut trouver accès et entrer dans notre corps, dans notre vie. Mais pour autant, nous appartenons à Jésus-Christ. Ce n'est pas lui le propriétaire. Mais il a trouvé un accès dans un domaine de notre vie. Et il est en train de détruire, d'endommager. Et il a besoin d'être chassé. Je crois que ce point est très important. Parce que la théologie réformée est en train de balayer cet aspect. Et je crois que ceux de notre communauté doivent bien comprendre que même quand on appartient à Christ, on peut être sous l'influence de l'ennemi. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Voilà. On continue toujours dans le récit, verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Donc on voit que Jésus a continué d'aller dans les synagogues où il faisait deux choses. Il prêchait et il chassait les démons. Parfois, parmi les chrétiens d'aujourd'hui, surtout en France, pas partout, pas en Afrique par exemple, pas en Inde non plus. Attendez la suite, vous allez voir pourquoi je dis ça. Parfois, parmi les chrétiens en France, aujourd'hui, on peut penser que ça doit être très rare que quelqu'un se trouve pris par un démon et qu'il ait besoin de délivrance. Et que si ça arrivait, on imagine que ces personnes, elles doivent se retrouver finalement enfermées dans un asile ou en prison quelque part. Mais on voit ici que le genre de personnes auxquelles Jésus avait affaire et desquelles il chassait des démons, ben, c'était des juifs croyants, pratiquants, qui allaient tous les dimanches à la synagogue, qui cherchaient à vivre en obéissant à la loi de Moïse, qui avaient certainement une famille, des enfants, un travail. Et pourtant, quelque part dans leur vie, il y avait des domaines où un démon, ou plusieurs, avaient accès et les tenaient sous leur influence. Et ils avaient besoin de délivrance. Alors ne nous disons pas que les personnes qui ont besoin d'être délivrées d'un démon doivent être des fous ou des criminels. Potentiellement, cela peut toucher tout le monde. Est-ce que vous savez que dans les quatre évangiles, il y a plus de récits et de témoignages de Jésus qui chasse des démons que de Jésus qui guérit des malades? Ça doit nous faire réfléchir. On le lit notamment dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 40 et 41. « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Alors les gens venaient à Jésus parce qu'ils étaient malades. Mais lorsque Jésus leur imposait les mains, les démons se manifestaient et ils les chassaient. Il est écrit, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Alors, on voit que du temps de Jésus, beaucoup de personnes avaient besoin de délivrance. Mais j'aimerais nous dire, les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes ont besoin de délivrance. La différence peut-être, c'est que dans certaines églises, on a pu négliger la puissance et l'autorité que Jésus nous a donné et que nous n'imposons plus les mains pour chasser les démons comme il l'a fait et comme il nous a commandé de le faire. Alors on continue. Quels sont les symptômes qu'un démon a emprise sur moi? Alors il y a trois domaines d'influence. La Bible nous dit que nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et donc les démons vont pouvoir agir dans ces trois domaines. D'abord dans le domaine du corps. Eh bien, un démon peut affecter notre corps en infligeant une maladie ou une infirmité. On le lit dans la parole, on voit que Jésus a notamment chassé un démon d'un enfant et ce démon le rendait sourd et muet. Et quand Jésus s'adresse à l'esprit, il lui dit « Esprit sourd et muet, sors de cet enfant !» Et aussitôt l'enfant est guéri, retrouve l'ouïe et retrouve la vue. On le voit aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 11. C'est écrit « Et voici, il y avait là une femme qui avait un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Et Jésus chasse l'esprit et la guérit. Je me souviens, j'étais au Nouveau-Mexique, j'étais à ce moment-là pasteur stagiaire, et j'emmenais le groupe de jeunes dans la rue, le soir, c'était pendant l'hiver surtout, et on allait à la rencontre des SDF pour distribuer du chocolat chaud, des croissants, et pour prier pour les gens, pour prier pour les malades. Et je me suis retrouvé à discuter avec un monsieur, et je demandais au Saint-Esprit, « Seigneur, donne-moi quelque chose, donne-moi une parole de connaissance. » Et là, j'ai une image. Et donc je partage à cet homme, je dis, « Voilà, je vous vois comme tomber, faire une chute, et depuis, je vois comme si vous avez quelque chose au niveau du dos, et est-ce que vous avez mal au dos ?» Il me dit, « Oui, j'ai tout le temps mal. » Effectivement, j'ai fait une chute, je suis tombé d'un pont, et depuis, ça fait des années, et j'ai tout le temps mal au dos. Je dis, « Est-ce que je peux prier pour vous ?» Il me dit, « Oui. » Je mets ma main, et je commence à prier. Et au moment où je prie, la personne se retourne violemment et me crie dessus. « Mais qu'est-ce que vous me faites ? Mais ça fait mal !» Et il s'en va. Je dis, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, je ne comprenais pas. Et là, le Saint-Esprit m'explique. Il me dit, « Mais c'est parce que, oui, il y a eu un accident, mais la cause de sa douleur aujourd'hui, c'est un esprit d'infirmité. Et donc, quand tu as prié, cet esprit a réagi. Et c'est pour ça qu'il a eu ces douleurs-là. Maintenant, il faut prier pas dans le sens de la guérison, mais il faut prier dans le sens de chasser l'esprit d'infirmité. » Je dis, « Ah, ok. » Je retrouve l'homme, je m'assois à côté de lui, je dis, « Écoutez, je m'excuse du fait que lorsque j'ai prié pour vous, vous avez une douleur comme ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous me laissez prier une deuxième fois, vous n'aurez plus mal. Ah non, non, non, non, non. Ah non, non, non, je ne veux plus vous me toucher. Non, non, non. » Impossible qu'il accepte. Je réessaye, j'insiste. « Non, laissez-moi. » Et il se lève, il s'en va, il rentre dans le... Il y avait un foyer à côté. Je dis, « Ah, Seigneur, comment je peux faire ?» Et là, je me suis souvenu de cette parole où Jésus même chasse un esprit à distance. Et comme si le Saint-Esprit me titillait, dit, crois seulement, chasse l'esprit, même si tu ne peux pas lui imposer les mains. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'étais assis sur mon banc, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'infirmité qui est dans le dos de cet homme. La soirée se passe, et juste au moment où on devait partir, je vois cet homme sortir du foyer, sourire jusque-là, et qui me cherchait du rire. Et je le vois, et il me voit, il me dit, j'ai plus mal, la guérison est dans l'air, hein. Merci, j'ai plus mal. Et le Seigneur avait agi. Comme quoi on peut avoir des réalités physiques, comme un accident, comme une maladie, et sur ces réalités physiques, un démon va venir et va nous lier dans cette infirmité et dans cette douleur. Donc il y a la dimension, bien sûr, de la guérison, et il y a aussi la dimension de la délivrance, aussi dans le domaine de notre corps. Le deuxième domaine, c'est le domaine de l'âme, de nos pensées, de nos émotions, de notre vie affective. Et donc le démon va agir dans le domaine de notre âme pour nous faire souffrir ou faire souffrir les autres. Comme quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Ça peut être une colère excessive, on peut être maintenu dans la peur, dans les phobies, dans la dépression, ou il va peut-être causer des pulsions sexuelles incontrôlables, des addictions, ou il peut nous pousser à mentir constamment, à voler, sans qu'on arrive à se contrôler, sans qu'on arrive à réfréner cette puissance qui est là, qui agit dans nos émotions, dans notre âme. Il peut nous pousser à séduire, ou il peut venir aussi pour nous oppresser. Je connais beaucoup de gens, surtout les jeunes, qui vivent des oppressions nocturnes. Et j'en parlerai après de pourquoi et d'où ça vient. Et le dernier domaine, c'est le domaine de notre esprit. C'est tout ce qui touche au domaine spirituel. Alors un démon peut agir pour nous empêcher de venir à Jésus-Christ, de nous empêcher de nous approcher de Dieu. Il peut causer des pensées de mépris, de blasphème contre Dieu dès qu'on va dans une église ou dès qu'on essaye de prier. Il y a des pensées horribles qui nous viennent, qui fusent et on n'arrive pas à les contrôler. L'impossibilité de lire la Bible, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui sont venues parce que dès qu'elles se mettaient à lire la Bible, boum, elles s'endormaient. Impossible de lire la Bible. Même en plein culte, peu importe les circonstances. Ou alors, qui essayaient de lire la Bible et dès qu'elles se mettaient à lire la Bible, des odeurs nauséabondes leur venaient, des distractions, des choses qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas lire la Bible. Ou alors, ils peuvent venir pour nous séduire par des fausses religions, par des fausses expériences, des expériences trompeuses. On va être confronté au surnaturel qui va nous tirer dans une direction, alors que ce sont des expériences trompeuses, ou en nous donnant des capacités spirituelles, telles que des dons spirituels, comme le don de divination, de rêve prémonitoire ou de guérison. Et là aussi, je vais différencier entre les dons que Dieu donne et les dons que Satan donne. Comment savoir ? Les dons que Dieu donne nous sont distribués par le Saint-Esprit. Et il les donne à tous ceux qui ont été réconciliés avec Dieu en croyant en Jésus-Christ et qui lui ont soumis leur vie. Les dons occultes, tout le monde peut y accéder. Et ils peuvent être reçus aussi par héritage à la naissance. Ah, mais ma grand-mère avait ce don, puis quand elle est morte, ça m'est, je l'ai reçu. Ou je suis né avec. Ce genre de choses. Ou, et c'est bien souvent le cas pour les dons puissants, on les reçoit à travers l'initiation, à travers un maître, à travers quelqu'un qui va nous le transmettre. Et en nous transmettant le don, souvent, il nous transmet le secret qui va avec. Il y a un secret qui est attaché au don. Et ce secret est nécessaire à l'exercice du don. Et ce secret ne doit pas être révélé aux profanes, puisque ça nourrit l'orgueil, ça nourrit la puissance. Le fait que ce que j'ai, personne d'autre ne l'a. Et en général, ce secret, c'est une formule à prononcer ou un rituel à faire. Les dons de Dieu sont exercés de manière libre et gratuite. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, lorsqu'il parlait à ses disciples d'aller guérir et d'aller chasser les démons. Et les dons de Dieu sont exercés de façon à attirer les hommes à Jésus-Christ et à lui donner toute la gloire. Les dons occultes sont exercés principalement contre rémunération, il faut payer, et ils glorifient l'homme qui les possède. Celui qui les pratique n'est pas libre. C'est le principe du pacte. C'est donnant-donnant. Je te donne la puissance et en échange, tu es lié, tu m'appartiens et je vais prendre ce que je veux dans ta vie. Et dans ce principe du pacte, on doit payer sa dette en retour. C'est ce chanteur très connu de rock qui, on lui posait la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes encore là après tout cette, vous n'êtes pas fatigué? Il dit, ben ça remonte à cette époque où j'ai fait ce pacte. Ah bon, mais ce pacte, mais pourquoi? Ben pour chanter, pour être là où je suis aujourd'hui. Ah bon, mais ce pacte, mais avec qui? Ben avec le chef du monde qu'on voit pas. Ah bon, mais c'est qui le chef? Et là, il fait un sourire et il dit rien de plus. C'est ça ce principe-là. Et la dette, beaucoup la payent au niveau de leur santé, même des guérisseurs, qui doivent, pour pouvoir guérir, prendre sur eux le mal. Il y a une dette qu'ils payent. Ici, au niveau des finances, au niveau de la famille, la destruction vient derrière. Mais ultimement, le prix à payer, c'est le prix de notre âme. Ces dons-là, les dons occultes, sont des imitations du don de Dieu. Il y a bien une puissance, il y a bien des dons, ça marche bien. Mais ce sont des imitations de Dieu. On le voit notamment dans le récit du jugement de Dieu sur l'Égypte. Et Moïse est envoyé, et dans la puissance de Dieu, Moïse va manifester des miracles. Et Pharaon appelle ses magiciens, et qu'est-ce que font les magiciens? Ils copient les miracles de Dieu. Mais à chaque fois, on voit que leur copie, leur imitation, est supplantée par la puissance de Dieu. Et il y arrive un point où là, les magiciens disent « on ne peut pas, là on ne peut pas ». Et c'est la même chose aujourd'hui dans les dons, même dans le don de guérison. On voit des personnes qui ont reçu un don de guérison de façon occulte, donc qui vient de la puissance de Satan, des démons, et qui exercent ce don, et où effectivement il y a du résultat. Alors on y va parce qu'on a une verrue, parce qu'on a une brûlure, parce qu'on a des maux de ventre, et ainsi de suite. Et effectivement, le maux de ventre s'en va, la brûlure s'en va, et ainsi de suite. La réalité, c'est que derrière, alors qu'on ouvre la porte à ces puissances-là, l'ennemi en profitera systématiquement. Et on voit de nombre de témoignages de personnes effectivement qui ont pu être guéries d'une verrue, mais qui derrière vont avoir des problèmes d'insomnie, vont avoir des cauchemars, problèmes d'addiction, problèmes de couple. C'est l'appât, c'est la séduction, c'est la tromperie. Et ces dons de guérison, de toute façon, sont limités. Vous ne trouverez pas un guérisseur qui redonnera la vue à un aveugle. Vous ne trouverez pas un guérisseur qui a fait lever un paralytique de sa chaise roulante. Donc, comme en Égypte, on voit que l'ennemi peut faire une mimique, mais jusqu'à un certain point, parce que sa puissance n'a pas d'égal par rapport à la puissance de Dieu. Alors, comment les démons peuvent-ils entrer dans la vie de quelqu'un? On va voir qu'il y a trois portes d'accès. La première, c'est le péché que nous commettons. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, Paul dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » On voit que là, bon, ici spécifiquement, c'est le domaine de la colère, mais on voit que il est possible de donner un accès au diable à travers nos péchés. Lorsque on va pécher, on va aller sur le territoire du diable et on va ouvrir une porte de notre maison. Et potentiellement, l'ennemi peut utiliser cette porte pour venir nous lier. Je me souviens, il y avait un couple chrétien depuis des années on faisait une école ensemble, une école de formation biblique ensemble aux États-Unis. Et ce couple avait essayé depuis des années d'avoir des enfants et ne pouvait pas. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait une fausse couche et l'enfant mourait dans son ventre. Et un jour, on était ensemble dans une réunion et j'étais juste derrière eux dans les chaises. Et alors qu'on priait, elle était devant moi. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit me montre qu'il y a un esprit de mort chez cette sœur. Et c'est cet esprit-là qui cause les fausses couches et qui tue l'enfant dans son ventre et qui l'empêche d'avoir des enfants. Et donc là, je demande si je peux prier pour elle. Et au moment où je prends autorité, elle tombe en arrière, se met à hurler et se tient le bas-ventre. On a pu chasser l'esprit au nom de Jésus. Quelques jours, semaines après, ils m'envoient la nouvelle qu'elle est enceinte. 9 mois après, leur premier enfant était né. 1 ou 2 ans après, leur deuxième enfant était né. L'esprit était parti et elle pouvait à nouveau enfanter. Ou tout à nouveau enfanter en tout cas. Donc on voit que, et en fait en discutant avec cette sœur, elle nous avait confié après qu'elle avait eu un avortement. Et que par l'avortement, qui est une désobéissance à Dieu, puisque Dieu seul choisit de faire vivre, de faire mourir, par ce péché, l'esprit, le diable a eu un accès et un esprit de mort est venu. Potentiellement, tous nos péchés ouvrent une porte au monde spirituel. Mais ce n'est pas systématique. Sinon, on va être dans une crainte permanente. Ce n'est pas le cas. Mais selon la gravité du péché. Et comme là, on le lit dans le verset, est-ce qu'on va persister dans ce péché? Est-ce qu'on va s'enfoncer dans ce péché et résister aux avertissements du Saint-Esprit? Est-ce qu'on va se donner, se livrer dans tel domaine au diable en péchant? Et là, on va lui ouvrir pleinement un accès. Et là, c'est possible qu'un démon vienne dans tel ou tel domaine, peu importe qu'il soit, pour nous lier dans ces choses. Il y a des péchés qui, plus que d'autres, vont bien sûr ouvrir un accès, tels que l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Et là, bien sûr, si on pêche contre Dieu en s'impliquant dans ces choses, on va ouvrir un accès plus grand. La deuxième porte d'accès, c'est l'héritage, qui est venu par le péché que nos parents et nos ancêtres ont commis, qui eux ont ouvert des portes et qui eux aussi ont pu être liés par des démons. Et la réalité, c'est que de la même manière que nos parents et nos ancêtres peuvent nous transmettre un héritage d'infirmité, de maladie génétique, de la même manière, ils peuvent aussi nous transmettre un héritage spirituel. Et on peut hériter et naître avec des liens, des oppressions démoniaques qui viennent de nos parents et de nos ancêtres. Le troisième point d'accès, ce sont les états de conscience altérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre maison, c'est notre corps, et notre âme, notre conscience, c'est le gardien. Mais il peut se passer des choses qui vont comme endormir le gardien. Prends un somnifère, le gardien est endormi, la porte, personne ne veille sur la porte, là l'ennemi peut en profiter pour forcer l'entrée. Qu'est-ce qui vient endormir notre conscience? La drogue, l'alcool, l'hypnose. Les trois principaux. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, souvent, des personnes qui sont en état d'ivresse complète ou sous l'effet de la drogue, qui vont se mettre à avoir ce qu'on appelle des tripes mystiques, des visions d'esprit, des choses, des voix qui les poussent à se suicider, à faire du mal, à violer. D'où ça vient? Parce qu'à ce moment-là, la conscience est endormie et ils sont beaucoup plus vulnérables au monde spirituel. Et l'ennemi va utiliser cette opportunité pour forcer l'entrée et influencer, voire même lier et entrer dans le corps de la personne. L'hypnose, c'est la même chose. L'hypnose, on se place sous l'autorité de l'âme de quelqu'un d'autre qui, par une technique, va endormir notre propre conscience et là, on devient vulnérable. Et là, on devient vulnérable. Et les traumatismes, c'est le dernier point d'accès qui va avec le dernier. Ce sont un peu des états particuliers où quand on est dans un état de traumatisme, il se passe quelque chose qui peut créer une faille et l'ennemi peut l'utiliser. Je me souviens, il y avait une dame d'un certain âge, elle avait plus de 60 ans. On s'était retrouvés ensemble, on priait. Et au moment où j'ai mis ma main sur elle, elle se met à manifester. Il y a quelque chose qui réagit et c'était un esprit méchant. Et après, en discutant avec elle, elle m'explique, elle me dit, voilà, quand j'étais petite fille, je devais avoir 6 ou 7 ans. Ma mère m'avait pris, m'avait jeté dans la cave pour me punir. Et dans la cave, il y avait un trou au milieu. Ça descendait comme ça en pente et il y avait un trou, comme un puits. Et elle m'avait jeté dans la cave, elle m'a dit, si tu glisses dans le trou, tu mourras. Et elle avait fermé la porte et elle m'avait forcé à passer la nuit dans cette cave. Cette petite fille a passé une nuit sans pouvoir dormir, terrorisée par la peur, en s'endormant, de glisser et de tomber dans le puits et de mourir. Depuis ce jour-là, cette femme ne peut plus dormir correctement. Elle dort à peine quelques minutes par nuit. Dès qu'elle s'endort, il y a quelque chose qui vient et qui la réveille d'une angoisse, d'une terreur. Et donc le Saint-Esprit nous montrait que c'était ça, l'Esprit qui était venu à ce moment-là pour la lier. Quand on a prié dans ce sens-là, j'ai pu chasser cet esprit-là. Le lendemain, on s'est revus, elle est venue avec un sourire, dit Daniel, j'ai dormi pendant des heures toute cette nuit, c'est incroyable. Et le Seigneur l'a guéri. Donc le traumatisme peut aussi effectivement être un moment où l'ennemi va utiliser cette faille, cette fragilité pour venir nous lier. Alors je connais une personne qui illustre ces trois portes d'accès. Le péché qu'on commet, l'héritage et les états de conscience secondaire. C'est ma femme. Donc je vais lui demander de venir et de témoigner juste très courtement de ce qu'elle a vécu et comment elle a pu ouvrir des portes et avoir besoin de délivrance à cause de ces trois domaines. In English. Ma femme est américaine. Donc j'ai beaucoup d'exemples parce que j'ai dû avoir beaucoup de délivrance. Malheureusement, mais maintenant pour la gloire de Dieu. The first two are as a result of sin that I've done. Les deux premières délivrances que j'ai reçues, c'était à cause de mes propres péchés. The first is regarding the occult. Et la première, c'était parce que je me suis impliqué dans l'occulte. I was always interested into magic. J'étais toujours intéressé, fasciné par la magie. And slowly that developed into loving horror stories and loving to be scared. Et ça s'est développé au fur et à mesure pour le fait d'aimer les films d'horreur, tout ce qui fait peur. And all of that kind of came together into the occult. Et tout ça, après, ça m'a conduit dans l'occultisme. I like to do the Ouija board. J'aimais faire le Ouija. Si vous connaissez ce que c'est, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le Ouija? Ok, le Ouija, c'est une planche avec des lettres. On va invoquer un esprit qui va nous pointer vers des lettres pour qu'on puisse recevoir des messages directement de cet esprit-là. Beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent ça. Ou le verre, on pose un verre avec des lettres et l'esprit va déplacer le verre vers les lettres et former des mots pour recevoir des messages directement d'un esprit. Et quand j'étais jeune, j'aimais porter aussi des cristaux qui avaient un pouvoir particulier autour du cou. Et cette femme m'a appris à l'utiliser comme un pendule, à poser des questions et à recevoir des réponses en utilisant le pendule. Mais une fois que je suis venu à Christ, j'ai réalisé que toutes ces choses étaient dans le territoire du diable. Et je suis allé vers un couple pour qu'il m'aide. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de peur dans ma vie. Et je voyais que ça venait du monde spirituel. Ils ont prié pour moi. Et j'ai demandé pardon et j'ai renoncé à ces péchés que j'avais faits. And as soon as I started renouncing, et dès que j'ai commencé à renoncer, ces démons ont commencé à manifester. Et ce cri qui est monté. Et c'est parti. Et toutes ces peurs qui étaient liées à ça sont parties avec. The other access that I had because of sin was lust. Et le deuxième accès, démon où j'avais besoin de délivrance qui était venu par mon péché, c'était dans le domaine de la convoitise. When I didn't know Christ, and even as I was still walking with Him. Quand je connaissais pas encore Jésus et puis au début de ma marche avec le Seigneur, I really struggled with lust. Je me battais beaucoup avec la convoitise des yeux par rapport aux garçons, la sexualité. And because I didn't receive that love from my parents. Et parce que je n'avais pas reçu cet amour, cette nourriture affective de mes parents. So I was always searching for it. J'étais toujours en recherche de cet amour. From men. De combler ça par les hommes. But that was like I would receive it and then I would be empty. C'est comme si je le recevais, mais après je me sentais de nouveau vide et j'en avais besoin de plus. And then I saw how that later it controlled me when I became a Christian. Et quand je suis devenue chrétienne, j'ai vu à quel point ça contrôlait ma vie. In the way that I dressed. La manière dont je m'habillais. I love how men would look at me. I needed attention. Et j'aimais et j'avais besoin de cette attention, de la manière dont les garçons allaient me regarder. It brought me pleasure, like if a man would look at me, and I knew how to dress to make somebody look at me. Et je savais comment m'habiller pour faire en sorte que les garçons me regardent, et ça me faisait plaisir. So I had to question myself, why do I want this? Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que ces choses sont en moi? And I realized that it was that it was sin. Et j'ai réalisé que c'était le péché et que j'avais ce manque en moi. That needed to be fulfilled by Christ. Et qu'il fallait que ce manque soit rempli par l'amour de Dieu, l'amour de Christ. That, I didn't have the strength, the power to. Mais je n'avais pas la force, la puissance de résister. Even with my eyes, like even de, if I saw a woman on a billboard, it was like. Même au niveau de mes yeux, j'arrivais pas à contrôler quand il y avait une image de quelqu'un qui était nu ou quoi, couple, ça m'attirait. It was too much to stop to look at. Et j'avais pas la force de m'empêcher de regarder. Et donc j'ai réalisé que j'avais besoin de délivrance. C'était plus fort que moi. And that was revealed actually when Danielle made his first big step to be like, hey, I think we should be married. Et ça a été révélé le moment où Daniel m'a dit qu'il voulait m'épouser. And we prayed together and et on a prié ensemble et d'un seul coup le démon s'est manifesté. Great timing. Super le timing. And because it was a confrontation of the light and the darkness. Parce que c'était la confrontation entre la lumière et les ténèbres. And there we are in a park. Et on était dans un parc en France. And I'm manifesting. I'm rolling on the ground. Et je roule par terre dans la poussière en criant. And there for some reason I knew that it was through spirits, through evil spirits of lust that left. Et je savais à ce moment-là qu'il y a trois esprits donc impurs de convoitise qui sont partis. And since then, it was like something was broken where that power that pulled me into to see things, to keep my eyes locked on sin. Et je sais que depuis ce moment-là, cette puissance que je n'avais pas résisté, qui m'attirait vers les choses que je ne voulais pas regarder, est partie. And God taught me the difference between, beauty and sexy. Et Dieu m'a enseigné et m'a montré la différence depuis entre la beauté et le fait d'être sexy. And another example, and this was related to a heritage. Et l'autre exemple est donc, vient d'un héritage. I grew up always with these images of death in my mind. J'ai grandi avec des images qui me venaient à n'importe quel moment dans mes pensées de mort, des images de mort. It could be me lying down, imagine I would jump out the window and I see my body dead. Je pouvais me voir soit moi morte comme si j'avais sauté de la fenêtre et je pouvais voir mon corps en bas morte. Or as I became older, even though I was a Christian, it could be my husband. Ou j'étais chrétien et j'avais grandi, mais des fois je voyais comme mon époux qui était mort, mon mari qui était mort, ou même mes enfants morts. But it was something so normal that I got used to it. Ça m'arrivait tellement que c'est devenu comme normal et que je me suis habitué. But I realized that this wasn't from God. Mais je réalisais que ces choses ne venaient pas de Dieu, mais venaient d'un démon. And I prayed with a lady, et donc j'ai prié avec une sœur parce que je savais que j'avais besoin de délivrance et que je n'y arrivais pas toute seule. Et on a prié et Dieu a été bon, il m'a montré une vision. And I saw that on, I don't know how I knew, but I saw that on my dad's side, my dad's dad, uncle. Et donc il m'a montré une vision où j'ai vu et je savais que c'était du côté de mon père, donc l'oncle du grand-père de mon père. And I saw him hanged in a barn. Et je l'ai vu pendu dans une grange. And I knew it was a spirit, the spirit of death. And et donc je savais que c'est à cause de cet événement, de ce péché, que l'esprit de mort est venu dans ma famille. And at this moment, the lady, she led me in a prayer. À ce moment-là, donc la sœur m'a conduit dans une prière et on a coupé les liens et l'héritage spirituel. After that, et depuis, toutes les images sont parties. It was like being able to breathe again. C'était comme si j'étais capable de respirer tout à nouveau. Every now and then it tries to talk. À quelques fois, à quelques moments, c'est comme si ça essaye de revenir, de m'intimider. Mais ça ne fait plus partie de ma vie. And the last one et le dernier, also c'est by heritage. Aussi par, est venu par héritage. Is the spirit of anger. C'est l'esprit de colère. And I was reading a book. J'étais en train de lire un livre and she was talking about generational curses. Et elle expliquait justement la réalité des malédictions générationnelles. And I thought, I don't, doesn't seem like that applies to me. Et à ce moment-là, je croyais que ça ne me concernait pas vraiment. As she started talking about it more, I saw that okay, my dad, mais plus à l'expliquer, j'ai réalisé, attends, mais mon père a un problème avec la colère. And my grandmother too. Et sa mère, avant lui, a aussi un problème avec la colère. And then I realized that at this moment, right now, et j'ai réalisé qu'à ce moment-là même, j'étais moi-même en train de faire face à beaucoup de colère en moi. I had so much anger, et en fait, j'avais tellement de colère en moi que je n'arrivais pas à la contrôler. And my face would turn red, et mon visage devenait rouge. C'était incontrôlable. I had no love for her. In fact, I hated her. Et c'était par rapport à ma roommate, ma colocatrice, et j'arrivais pas du tout à l'aimer, j'étais en colère contre elle. She said, pray this prayer, renounce. Dans le livre, il y avait une prière pour renoncer à ces choses. And I renounced this anger. Et j'ai donc renoncé à cette colère. I knew of the spirit in je savais que c'était un esprit, un démon qui faisait ça. And the way that it manifested, dans la manière dont ça s'est manifesté à ce moment-là. Mais c'est comme si d'un seul coup, je me suis mis à pleurer et ça venait de profond. Like a half an hour, just et pendant crying. Une demi-heure, j'ai pleuré. And after that, it was finished. Et après ça, it c'était terminé. Il y avait la paix. Il y avait I la joie, girl, j'avais de l'amour pour cette fille, were. J'ai vu où étaient ses problèmes, ses difficultés. And, yeah, the anger is gone. Et la colère était partie. Thank you. Mm-hmm. Et le dernier point d'accès, pour que, comme ça, elle a tous les points, c'était donc les états de conscience altérés. Je le raconte pour elle, elle était à la fac, et il y avait un gars qui faisait un show d'hypnotisme, et elle s'est portée volontaire, et donc il l'a hypnotisée. Et pendant le show d'hypnotisme, il lui a fait faire différents animaux, le coq, le chien sur le dos, et ainsi de suite. Des années après, on est mariés, on a un temps de prière, et là, on prie pour la délivrance, il y a quelque chose qui se manifeste. Le Seigneur nous conduit, elle a confessé l'hypnotisme. On demande pardon, au moment où elle demande pardon, où elle renonce, elle est repassée par toutes les manifestations que l'hypnotiseur lui a fait faire. Et donc j'ai vu ma femme dans le salon en train de faire le coq, sur le dos, et de faire le chien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une manifestation après l'autre, on a chassé les esprits jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de ces choses aussi. Donc non, l'hypnotisme n'est pas anodin du tout. Voilà. J'aimerais maintenant venir un peu plus précisément sur les pratiques occultes, les pratiques et ces péchés donc, qui ouvrent la porte au diable et au démon de manière plus particulière. Je vais vous lire dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 27, verset 9. Et vous n'écouterez pas vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens. Le dernier passage, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Ils observaient les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ils s'adonnaient à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. On voit donc que la Bible est très claire sur ces choses. Tout ce qui est voyance, occultisme, magie, que ce soit dans le but de faire du bien ou du mal, représente un acte grave de désobéissance aux yeux de Dieu. J'aimerais simplement vous en lister quelques-unes dans des termes qu'aujourd'hui on comprend. Parce que là, il y a des termes peut-être où vous dites « mais ça, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence ». Donc la sorcellerie. Tout ce qui va être l'utilisation de la puissance pour contrôler les gens, pour contrôler les éléments. La magie, magie blanche, magie noire. C'est comme si on a les deux mains de la même personne. C'est comme en Afrique, il y a le marabout et le sorcier. Le sorcier, il va plus être là pour faire des dégâts. Donc si on veut que notre voisin il meure parce qu'on aimerait bien récupérer son champ, on va voir le sorcier. On lui paye, souvent très cher, avec un objet, quelque chose. Il va faire un sacrifice, jeter un sort qui va faire que le voisin va mourir. C'est la sorcellerie. Alors, pour se protéger de ça, le voisin, il a compris, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir le marabout. Il va payer le marabout très cher. Il va faire un sacrifice, il va faire un sort pour le protéger des mauvais esprits envoyés par le sorcier. Et au final, ce sont les deux mains du diable qui tient tout le monde lié par les liens des démons. Magie blanche, magie noire. L'astrologie, aujourd'hui, c'est très démocratisé. Comment? Par l'horoscope. Et on a des gens qui sont addicts à l'horoscope. Ça n'est pas anodin, c'est de l'astrologie. Il y a la divination, c'est-à-dire toutes les sciences qui vont chercher à avoir de la connaissance qu'on ne peut pas avoir normalement sur les gens, sur les personnes, sur les situations, sur le futur, et ainsi de suite. On utilise notamment le pendule, on peut tirer les cartes, on peut lire dans les feuilles de thé, dans le marc de café, dans les lignes de la main, etc., etc. Tout ça, c'est la divination. Il y a le spiritisme, qui est d'entrer en contact avec les esprits. On a parlé déjà du Ouija, qui est pareil, beaucoup utilisé chez les jeunes, que ce soit le verre ou la planche. L'écriture automatique et ou l'utilisation des médiums qui vont chercher à entrer en contact, à être un canal des esprits de proches qui sont défunts, de morts, ou de maîtres ascendants, ou d'esprits, et ainsi de suite. Le champ est large. Tout ça, c'est le spiritisme. Puis il y a le domaine des guérisseurs, et selon les régions, on les appelle pas pareil. Guérisseurs, magnétiseurs, coupeurs de feu, rebouteux, etc. Qui ont reçu un don, souvent générationnel, et des fois ça peut sauter une génération, qui donc vont dire qu'ils coupent le feu. Et là, par contre, il y a clairement l'utilisation d'un secret, d'une phrase qu'on dit à voix basse, que personne ne doit connaître, personne ne doit savoir. Et souvent, cette phrase fait référence à Judas. C'est intéressant quand même. Et puis, il y a toutes les pratiques qui viennent de l'Orient, et qui sont des pratiques spirituelles venant de l'hindouisme pour la plupart, mis à la sauce occidentale pour mieux nous séduire et nous tromper. Et ça, ça a été remis au goût du jour très fortement depuis les années 70 par le mouvement qu'on appelle le mouvement New Age. Nouvel âge. Je vais juste en citer trois principales. Il y aurait beaucoup trop à... Ça prendrait beaucoup trop de temps si on voulait tout couvrir. Mais je vais en citer trois principales. L'acupuncture, le Reiki et le yoga. Pareil, si vous voulez qu'on puisse approfondir ces sujets, je peux vous donner référence de livres qui l'expliquent très bien parce qu'on n'aura pas le temps d'aller trop en profondeur. Mais juste très rapidement, l'acupuncture s'appuie donc sur la médecine chinoise, sur des principes chinois qui sont communs aussi à l'hindouisme, qui nous parle d'un flot d'énergie qui circule dans notre corps et qui circule dans un certain sens et qui s'équilibre entre le bien et le mal, le yin et le yang. Toutes ces choses-là, toute l'acupuncture repose sur une vue du monde qui est spirituelle et qui vient des religions de l'Orient. Ces pratiques ne sont pas neutres, elles sont spirituelles. Si on va voir un acupuncteur, on ouvre une porte. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on va être lié par un démon et qu'on va avoir besoin de délivrance, mais c'est possible, on se met en danger. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas aller chez ces praticiens. Ils nous séduisent avec un discours qui nous dit « mais c'est scientifique, il y a une réalité ». Ça, c'est l'enrobage et c'est du mensonge. La vérité derrière est spirituelle. La science ne peut pas prouver, n'a jamais pu prouver jusqu'à maintenant l'existence d'un flot d'énergie qui circule dans notre corps dans un certain sens et qui s'équilibre. Ça n'existe pas, scientifiquement parlant. Ça, c'est une croyance spirituelle. Il y a bien une énergie dans notre corps, ça s'appelle de l'électricité. Et ça traverse nos nerfs. Et c'est comme ça que l'information part du cerveau et va à nos organes. Ça, on la mesure. On la mesure, on l'observe, c'est scientifiquement prouvé. Mais un flot d'énergie qui passerait dans notre corps, et cette énergie d'ailleurs qui serait aussi dans l'arbre, et dans la souris qui est à côté, et dans chaque être humain, et qui en fait est dans tout être vivant, ça c'est une croyance spirituelle qui vient de l'hindouisme. Le Reiki est une imitation de la guérison par la foi en Jésus-Christ, puisque les Reiki nous disent « mais oui, c'est la même chose que Jésus faisait, il imposait les mains et les gens étaient guéris ». Donc le Reiki, c'est tout simplement un praticien qui va vous imposer les mains d'une certaine manière pour que vous soyez guéris. C'est une copie claire et nette de la guérison au nom de Jésus-Christ, mais de nouveau qui s'appuie sur des fondamentaux, des croyances spirituelles, et notamment sur le principe de l'énergie. Puisque l'énergie du praticien va entrer en communication avec l'énergie du patient. Et là, l'énergie va communiquer et va lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Et on va rétablir l'équilibre et ainsi de suite. Donc de nouveau, on est dans une pratique spirituelle. Ne vous faites jamais imposer les mains par un maître Reiki. Jamais. Et la dernière, c'est le yoga. Alors voilà, ça a été tellement démocratisé. Mais non, c'est juste des exercices de relaxation. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Le yoga est une technique spirituelle qui vient directement de l'hindouisme. Elle a été créée, elle a été inspirée par des esprits pour amener les hommes dans une technique, une pratique, pour les conduire à l'union avec l'énergie divine, avec le monde spirituel. C'est ça le but, l'origine du yoga. Les postures elles-mêmes ont été inspirées spirituellement puisqu'elles font référence à différentes divinités qui sont adorées en Inde et dans beaucoup de pays hindouistes. Donc les postures elles-mêmes sont des appels, des références directes à certains dieux qui sont adorés. Et ces dieux-là, ce sont des démons. Ce sont des faux dieux. Mais ce sont bien réellement des esprits. cette divinité impersonnelle avec laquelle il faudrait être en fusion, en unité, dans le monde, dans la religion hindoue, s'appelle le Brahman. Et il y a différentes techniques qui nous aident, qui aident l'homme à entrer en communication avec cette énergie divine pour amener au plein potentiel de l'homme. Et voilà la différence entre cette séduction, qui est une fausse religion, et la vérité de l'évangile et de la parole de Dieu. D'un côté, tout va être centré sur l'homme, et Dieu, finalement, il est en nous. C'est cette énergie qui nous amène à notre plein potentiel. Et le yoga va amener des étapes, notamment par l'ouverture des chakras, qui va conduire à cet état de conscience cosmique, comme il l'appelle, c'est-à-dire notre plein potentiel en tant qu'homme-dieu. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres, vous pouvez le lire, l'homme-dieu. Donc Satan ne se cache pas. Son but, c'était toujours le même, dès le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, de faire croire à l'homme qu'il peut être lui-même Dieu. Comme il l'a dit à Ève dans le jardin d'Éden, mais n'écoute pas Dieu. En fait, il sait que le jour où tu en prendras, où tu mangeras de souris, vous serez comme des dieux. La tentation est toujours la même. Et enfin, un dernier mot, après on passe au temps de questions et on termine cette première partie, sur les autres moyens par lesquels le diable vient pour lier surtout les jeunes avec des démons. C'est la musique, les films, les jeux vidéo. Comment c'est possible, vous allez me dire? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des domaines qui ont été largement mis sous contrôle du diable. Largement. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais venez me voir après, invitez-moi pour boire un café et je vous en parlerai pendant des heures de témoignages concrets et réels. À quel point Hollywood, l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique est infiltrée, imbibée de sciences occultes et de satanisme. Ça va de la conception des clips à la conception elle-même de la musique, à l'origine des dons musicaux, de la voix, de leur capacité musicale, de la majorité des grands chanteurs et même des acteurs. Et ça, ce n'est pas moi qui l'aurais déduit, c'est eux-mêmes qui le disent. C'est eux-mêmes qui racontent comment un esprit vient et leur donne cette capacité. Cette capacité d'être des acteurs, de jouer des rôles, cette capacité de chanter de cette manière-là, de faire de cette manière-là. Les choses ne sont pas cachées. Il faut juste savoir où écouter et où voir. Un jour, j'étais pasteur stagiaire dans une église et une maman m'appelle un peu catastrophée. Elle me dit, voilà mon fils, ça fait 2 semaines que toutes les nuits, il y a un esprit qui lui apparaît sur son lit et qui l'oppresse, qui l'étrangle et on ne sait pas quoi faire. On a prié, rien ne se passe. Au secours. Je dis, ben, on va se voir cet après-midi, je viens, on se voit. Son fils avait, je crois, 11 ans ou 12 ans. Et alors que je suis en train d'aller à l'église pour aller le rencontrer, le Saint-Esprit me montre que je vois cet enfant en train de regarder un écran. Je dis, ok, il a vu quelque chose. C'est ça qui a été la porte d'accès. Donc on arrive, on s'assoit, je lui pose la question, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et il me décrit ça en pleurant toutes les nuits. Il voit cet esprit tout en noir qui vient. Et c'est la terreur pendant toute la nuit. Et là, je dis, mais écoute, je ne veux pas te mettre mal à l'aise devant tes parents, mais devant Dieu, il faut être en vérité. Si tu veux être délivré, il faut être en vérité. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es allé voir quelque chose chez toi ou chez des amis que tu n'aurais jamais dû voir? Et là, il me regarde. Je dis, ben oui. Et il regarde sa maman. Il dit, je te demande pardon, maman. Et il commence à dire qu'il est allé chez un ami et qu'ils ont regardé le projet Blair Witch. Et que depuis ce moment-là, cet esprit est venu et l'oppresse toutes les nuits. On a pu prier ensemble, il a pu demander pardon. Je lui ai imposé les mains. L'esprit est parti. Et après, c'était terminé. La musique qu'on entend, je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est pareil. Si vous saviez à quel point cela influence et affecte nos comportements, notre vie dans notre âme, d'écouter du Lady Gaga, d'écouter du Nicki Minaj, d'écouter de Rihanna, toutes ces personnes-là qui sont impliquées dans l'occulte à des plus hauts niveaux, leur musique porte quelque chose et nous affecte. On se pose la question aujourd'hui, mais comment ça se fait? Mais moi, j'ai travaillé dans un collège, j'ai travaillé dans un lycée. De plus en plus, les jeunes sont poussés à la violence, sont poussés à l'agression sexuelle, sont poussés et prisonniers de pulsions incontrôlables, surtout dans le domaine sexuel et surtout dans le domaine de la violence. Mais c'est tout ce que porte la musique qu'ils écoutent constamment. Et ils l'ont constamment dans les oreilles, du matin au soir. Et je le vois, je travaille dans un internat, lycée Prévert à Saint-Christol. Le soir, quand je passe dans les chambres, ils sont tous soit devant un film, soit avec la musique dans les oreilles, sous la douche avec la musique, aux toilettes avec la musique. Et c'est non-stop, même sous la douche. Le boomer, il est à côté, il n'y a pas de souci. Et là, le diable a réussi quelque chose de sensationnel. Il a réussi, grâce à la technologie, à brancher toute la jeunesse non-stop sur une intraveineuse de son influence. Et les dégâts sont incroyables dans le comportement des jeunes et des enfants. Incroyable. Je referme la parenthèse. On va prendre un temps de questions. Et après, on va prendre 15 minutes de break. On va pouvoir boire un coup, on ne perd pas le fil et on revient. Deuxième partie, je vais aborder comment être délivré. Et ensuite, tous ensemble, on va se mettre devant le Seigneur. Et on va vivre un temps de prière. Et où je vais aussi pouvoir prier spécifiquement pour qu'on soit délivré. Et si parmi nous aussi, il y a des besoins dans ce domaine-là, alors on va le vivre ensemble. D'accord ? Voilà, le Seigneur est là, on est dans la paix, personne n'est là pour se juger, on est tous égaux face au péché, tous égaux face à la maladie, et tous égaux face au monde spirituel. On a tous besoin de la grâce. D'accord ? Allez, on prend un temps de questions. L'hypnose, ok. Quel que soit le contexte dans lequel l'hypnose est pratiquée, potentiellement, c'est ultra dangereux. Je déconseille fortement, même si c'est pour une opération, même si c'est fait par un médecin, d'accepter d'être sous hypnose. Jamais, jamais, jamais. Quelques précautions à prendre dans ce domaine. C'est sûr qu'aujourd'hui, la frontière entre ce qui est cartésien, mathématique, scientifique, médical, et puis ce qui est pas spirituel, cette frontière est en train d'être brouillée. Sous l'influence du New Age, voilà, du Nouvel Âge, de toutes ces pratiques qui nous viennent de l'Orient, et qu'il y a une véritable invasion et une véritable volonté de faire des mélanges. Donc on a plein de pratiques, comme la kinésiologie, où on va mélanger des notions médicales à des réalités spirituelles. Et donc c'est de plus en plus compliqué d'arriver à faire la part des choses. Donc effectivement, il y a de plus en plus besoin que des personnes écrivent des livres, prêchent, enseignent sur ces choses, pour que les chrétiens soient éduqués, soient éveillés à ces questions. Déjà, dès qu'on part du principe que la pratique fait référence à une énergie, déjà, vous savez que là, on n'est plus dans le domaine de la science, mais bien de la croyance. Voilà. Ça, c'est ce qui reviendra le plus souvent. Donc, posez des questions à votre praticien qui veut faire « Ah oui, non, mais là, c'est... » La première fois qu'on a voulu faire ça, qu'on était aux États-Unis, en plus, c'était un chrétien, vous imaginez ? Un kiné chrétien. Il passait sa main comme ça doucement. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, mais c'est juste pour rétablir l'énergie. Je dis, ok, merci, au revoir. Donc, ça, c'est un des critères. Mais effectivement, il y a une volonté de séduire par un langage médical, alors que derrière le fondement, si on gratte et qu'on cherche et qu'on teste, on se rend compte qu'il y a des croyances spirituelles derrière. Une autre question ? Ouais. Ouais. Pareil, l'homéopathie en deux mots. Celui qui l'a fondée était franc-maçon et croyait à l'énergie. Si on regarde dans les textes comment il a trouvé l'homéopathie, le principe fondamental qui soutient la technique homéopathique, c'est le principe de l'énergie. Donc, à travers le processus, on énergise l'eau, puisqu'il ne reste plus rien dedans, puisque ça a été tellement dilué, il ne reste absolument rien. Il n'y a aucun principe actif, il n'y a que H2O dans l'homéopathie qu'on prend. Mais ce qui pourrait agir dedans, ça serait spirituel. Certains ont dit que même dans certaines usines de fabrication, il y avait un pendule où il faisait quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, juste d'un point de vue de la théorie de l'homéopathie, ça s'appuie sur la croyance et pas sur la science. À ce jour, il y a une grande prime, je ne me souviens plus le chiffre, qui a été mis en place aux États-Unis par quelqu'un qui a fait son métier de dévoiler les charlatans. Il a donné une prime exorbitante à qui prouverait que l'homéopathie est scientifique et fonctionne. Cette prime n'a jamais été donnée. Aujourd'hui, d'ailleurs, en France, il y a un grand débat sur le fait que l'homéopathie ne devrait pas être remboursée par la Sécu. L'effet placebo est là. Vous trouverez toujours plein de gens qui arrivent avec un super témoignage de comment l'homéopathie, ça marche. Oui, la sorcellerie, ça marche aussi. Donc ça, ce n'est pas un critère. Les fondements au niveau de la théorie de l'homéopathie, c'est l'énergie, c'est spirituel.